Ce terrible spectacle inaugurait la série des catastrophes maritimes que le Nautilus devait rencontrer sur sa route. Depuis qu'il suivait des mers plus fréquentées, nous apercevant souvent des coques naufragées qui achevaient de pourrir entre deux eaux, et, plus profondément, des canons, des boulets, des ancres, des chaînes et mille autres objets de fer que la rouille dévorait. Après avoir touché le tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud, le 15 décembre, nous laissions dans l'est le séduisant archipel de la Société et la gracieuse Tahiti, la reine du Pacifique. Le Nautilus avait franchi 8100 milles. Le capitaine Nemo, le 27 au matin, entra dans le grand salon et posa un doigt sur un point de la carte, prononçant ce seul mot, Vanikoro. Ce nom fut magique. C'était le nom des îlots sur lesquels vinrent se perdre les vaisseaux de la Pérouse. Et nous étions en présence de l'île de Vanikoro. La Pérouse et son second furent envoyés par Louis XVI en 1785 pour accomplir un voyage de circumnavigation. Ils montaient les corvettes, la boussole et l'astrolabe, qui ne reparurent plus. Et pendant que je regardais les épaves désolées, le capitaine Nemo me dit d'une voix grave « Voici ce que j'ai trouvé sur le lieu même de ce dernier naufrage. » Le capitaine Nemo montra une boîte de fer blanc, estampillée aux armes de France et toute corrodée par les eaux salines. Il l'ouvrit et je vis une liasse de papier jauni, mais encore lisible. C'était les instructions mêmes du ministre de la Marine au commandant La Pérouse, annotées en marge de la main de Louis XVI. « Ah, c'est une belle mort pour un marin, » dit alors le capitaine Nemo. « C'est une tranquille tombe, que cette tombe de corail, efface que le ciel, que mes compagnons et moi, nous n'en ayons jamais d'autre. »